Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Wilfrid Laurier, défenseur de l'unité nationale et homme de compromis. Il y a plus de 100 ans, un grand premier ministre, Wilfrid Laurier, a parlé des voies ensoleillées. Il savait que la politique peut être une force positive. Et c'est le message que les Canadiens ont envoyé aujourd'hui. Justin Trudeau, le soir de son élection comme premier ministre le 19 octobre 2015, dans son discours de victoire, Justin Trudeau se réclame de l'héritage de Wilfrid Laurier. Il faut dire que Laurier fait partie des quelques premiers ministres à avoir suffisamment marqué l'histoire du pays pour que le nom, que son nom, résonne encore dans la mémoire collective nationale. Wilfrid Laurier a été le premier francophone à devenir premier ministre du pays. Il a aussi probablement été le premier grand champion de l'unité nationale. Sir Wilfrid nous reçoit avec son affabilité coutumière. C'est lui qui sert ta table. Et je le vois encore, tout en causant, qui découvre une rôtisserie où reposent deux canards sauvages, bien dorés et même brunis, qu'il entreprend de dépecer avec son aisance de grand seigneur. L'impression qu'il me laisse ce jour-là, impression que je garderai de lui, sera celle d'un grand honnête homme en son fond de caractère, mais homme politique, enclin à organiser ses vues, sa façon de penser, selon les exigences et la philosophie d'un parti. Mais l'impression aussi d'un chef de parti, plus intelligent que courageux, plus souple que volontaire. Un honnête homme, reprendrai-je, à qui tout acte de violence répugne. Honnête homme, dirai-je encore une fois, s'il faut insister, qui réprouve toute forme de fanatisme ou de persécution, mais qui, en même temps, pour opérer la restauration de la justice et du droit. La restauration aussi de la paix se sent incapable de la manière forte et des grands risques. Le chanoine Lionel Groulx à l'émission Confidentielle en avril 1956 pour retracer le parcours politique de Wilfrid Laurier, pour nous présenter aussi sa pensée politique. Je reçois le sénateur André Pratt, un passionné de Wilfrid Laurier, auteur d'une biographie de Laurier publiée en 2011, Wilfrid Laurier. Il a signé aussi un ouvrage, Biographie d'un discours, Wilfrid Laurier à Québec le 26 juin 1877, qui a été publié, lui, en 2017. André Pratt, bonjour. Bonjour. Deux livres, donc, sur Laurier. Une réelle fascination, je pense, pour Laurier. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui? Bien, d'abord, le simple fait, comme vous l'avez dit, qu'il a été le premier francophone premier ministre du Canada à une époque où, même chez les francophones, on considérait que le Canada était essentiellement un pays anglais. C'était comme ça que tout le monde au Canada voyait le Canada. Le Québec, la province de Québec, c'était l'endroit où les francophones allaient gouverner leurs affaires, mais le Canada était perçu comme un pays anglais. C'est presque une étrangeté, un premier ministre francophone. C'était une surprise, non seulement pour les anglophones, mais pour les francophones aussi, et l'objet d'une grande fierté. Et j'étais frappé par le fait que, finalement, bien que le nom de Laurier, on le retrouve un peu partout, des rues, des écoles, etc., qu'on connaisse finalement assez peu qui était Wilfrid Laurier, y compris chez les Canadiens français, les Québécois francophones. On savait assez peu de choses de lui aujourd'hui. Et c'est par curiosité d'abord que je me suis intéressé à lui. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il a été le premier francophone, mais à part ça, probablement qu'il reste plus grand-chose dans l'imaginaire collectif. Quelle place où est-ce que vous le situez au palmarès ou au panthéon des premiers ministres du Canada? Ben, c'est difficile, mais parce que il n'a pas laissé de choses ou de documents ou de, si on le compare à Pierre Trudeau, par exemple, qui a laissé la Charte des droits, disons. Il a laissé une façon de faire. Oui. On entendait M. Justin Trudeau parler tantôt des voies ensoleillées, les sunny ways. C'est ça qu'il a laissé. Et il est, je dirais, celui qui a laissé une façon de gouverner le Canada qui est, dans le fond, la seule façon possible. C'est-à-dire une façon qui est fondée, on en parlera, sur le compromis, le dialogue, la tolérance, la compréhension des uns des autres. C'est celui qui a porté cette façon de faire, qui l'a exprimé le mieux de la façon la plus brillante, parce que c'est un grand orateur, et c'est ça qu'il a laissé d'abord et avant tout. Parler de compromis, je reviens à ce qu'on entendait, l'extrait du chanoine Groulx. Trop de compromis? Ben voilà la grande question, c'est ce dont on l'a accusé. Mais dans ce que le chanoine Gros disait, il y a d'abord une chose qui est importante et qui fait partie du personnage de Laurier, c'est que tout le monde aimait Laurier, même ses adversaires. Lionel Groulx le décrit, grand seigneur qui accueillait tout le monde. Bon, alors d'abord, on aimait Laurier et ça fait partie du personnage. Ensuite, homme de compromis, on ne peut pas gouverner le Canada si on n'est pas un homme de compromis. Maintenant, il y a souvent des fois où les compromis ont bien servi le Canada. Il y a probablement des fois où il en a trop fait. Ouais. Son grand ami, disciple, puis adversaire Henri Bourassa disait si Laurier arrivait au ciel, il tenterait d'arriver à un compromis avec le diable. Ouais. Bon, alors, c'était une façon d'exprimer que parfois, il allait trop loin, ouais, sans aucun doute. Le compromis a des limites qu'il n'a peut-être pas toujours reconnues, mais effectivement, on y reviendra avec des exemples concrets au cours de l'émission. Commençons peut-être quand même quelques minutes par parler du jeune Laurier. C'est important pour comprendre la suite. Il naît à Saint-Lin, dans les Laurentides, en 1841. À quel milieu appartient le jeune Wilfrid Laurier? Bien, son père est arpenteur, donc disons, c'est pas un milieu aisé, mais c'est pas un milieu pauvre non plus. Son père, parce qu'il est arpenteur, se promène beaucoup dans le comté, dans les Laurentides, il connaît beaucoup de monde, et il a la conviction que pour réussir, il faut apprendre l'anglais. Donc, quand son fils a 9-10 ans, il l'envoie dans un village voisin, New Glasgow, dans passer 2 ans dans 2 familles, une irlandaise catholique, l'autre presbytérienne, pour apprendre l'anglais. Et Laurier, ça sera une expérience déterminante pour lui parce qu'il va apprendre l'anglais, mais il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, c'est pas seulement une question de langue, c'est une question de religion. La religion est très importante à l'époque, plus même que la langue. Et Laurier va nourrir une grande affection pour ces 2 familles. Ouais. Il va non seulement apprendre l'anglais, c'est déjà un boulimique de lecture, il adore lire. Il va apprendre la littérature de langue anglaise et il va apprendre que les gens d'une autre religion ne sont pas l'ennemi et ça va le marquer pour la vie, absolument. Dans sa conception, la conception qu'il développera entre autres de ce pays, fait de ces 2 grandes communautés culturelles, il décide de se lancer en politique à un moment donné. Comment ça se passe? Dans quel contexte il se lance en politique active? Son père, déjà, est quelqu'un de très politisé. Il faut dire qu'à l'époque, surtout dans les milieux ruraux, la politique est une passion, est presque le loisir du temps, n'est-ce pas? Les assemblées politiques sont extrêmement populaires. Alors, Laurier, déjà jeune étudiant au Collège d'Assomption, court les assemblées politique. Il devient lui-même très politisé. Son père est ce qu'on appelle à l'époque un rouge, un libéral radical. C'est l'époque des grands débats sur la Confédération. Alors, Laurier se passionne pour la politique. C'est presque naturel pour lui de se lancer en politique, d'abord comme organisateur, ensuite comme candidat, et il devient député à l'Assemblée législative de la province de Québec quelques années après la Confédération, en 1871. Donc, d'abord à Québec en 71, puis ce sera à Ottawa en 74. Mais vous dites, André Pratt, vous avez signé un livre entier que vous avez consacré sur le discours de Laurier, le discours du 26 juin 1877, puis vous dites de ce discours-là et de cette date-là, c'est là que tout commence véritablement pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bien, Laurier sera réputé comme un grand orateur, mais des grands orateurs, il y en a beaucoup à l'époque. Des orateurs extrêmement puissants qui sont très forts sur l'image, sur la démagogie. La démagogie n'a pas été inventée d'hier. Il y en avait beaucoup à cette époque. Laurier arrive en 1877, jeune député prometteur, mais assez peu connu. Et il affronte le grand problème de l'époque, qui est le rôle du clergé en politique. Oui. C'est l'époque où le clergé au Québec fait massivement usage de son influence pour empêcher l'élection des libéraux, qui sont perçus comme des révolutionnaires. Et Laurier ose affronter ce problème-là de front dans une grande assemblée politique, annoncée à grand renfort de publicité, courue par toute l'élite libérale et par tous les journaux conservateurs qui attendent le scandale. Et au lieu de faire un discours ultra-démagogique contre le clergé, il use d'une grande finesse, d'une grande culture, et il ose associer les libéraux du Canada aux libéraux britanniques, qui sont très modérés, qui sont même endossés par l'Église. C'est un discours d'une grande culture et d'une grande finesse qui suscite énormément de fierté chez les libéraux, chez les Canadiens français, et qui laisse l'Église un peu pantoise parce que c'est difficile d'y répondre. Laurier est tellement modéré dans son discours, tellement fin. Et c'est ce qui lui donne la première lancée, c'est ce qui fait qu'on l'associe non seulement au Québec, mais au Canada anglais aussi, comme un orateur et un politicien d'une si grande qualité. Et ça nous permet de voir le modèle qu'il a en tête. Quand on passe son libéralisme à lui, ce sera le libéralisme, ses grandes institutions, le libéralisme des Britanniques, au fond. C'est un peu ça qu'il pose déjà. Tout à fait, parce que le libéralisme à l'époque, c'est le libéralisme radical européen, ce sont les révolutions en Europe. Ouais. Il devient chef, ça va bien, donc il se fait remarquer à ce moment-là. 10 ans quand même, à peu près, 10 ans plus tard, en 1887, il devient chef du Parti libéral. Dans quelles circonstances? Bien, le chef à l'époque, c'est Edward Blake, qui est un homme extrêmement brillant, mais qui, après toutes sortes de péripéties, démissionne. Et à l'époque, c'est assez simple. Le chef démissionnaire désigne celui qui lui succède. Blake est convaincu, il est un des seuls, mais il est convaincu qu'il faut, pour réussir au Québec, le Parti libéral a besoin d'un francophone. C'est très osé. Laurier hésite énormément. Lui n'est pas convaincu de ça du tout. Il hésite beaucoup. Faut dire que Laurier aussi est un homme à la santé fragile. Il est convaincu que, comme sa mère, il va décéder de tuberculose à un moment donné. Il est souvent malade. Il hésite longuement, mais finalement, il accepte. Et donc, en 1887, il devient chef du Parti libéral. Oui. Avec une première échéance électorale qui est 1891, il perdra comme chef, donc il perdra cette élection de 1891. Les conservateurs de John A. Macdonald sont reportés au pouvoir. Sur quoi se joue cette campagne-là? Bien, ça se joue sur plusieurs choses, mais essentiellement, Laurier fait le pari de faire une élection sur la réciprocité commerciale avec les États-Unis. C'est assez osé. Il fait face à John A. Macdonald, qui, lui, a la politique nationale, joue sur le nationalisme, finalement, canadien et le lien avec l'Empire britannique. C'est la première fois que Laurier se fera jouer ce tour-là et on verra plus tard qu'il va se faire rejouer encore ce tour-là une autre fois. Alors, c'est pas la première fois que Laurier va tenter de miser sur cette réciprocité commerciale avec les États-Unis et il se fera faire mal cette fois-là et ça lui arrivera une autre fois par la suite. Il va se reprendre tout de même, Wilfrid Laurier, en 1896. Il est élu premier ministre du pays. On le répète, c'est une première qu'un francophone soit élu premier ministre. Qu'est-ce que ça représente, cette victoire de 1896, pour les francophones du Canada, André Pratt? Bien, ça représente une surprise inouïe et ça représente l'objet d'une grande fierté. Laurier est devenu un héros, un mythe, un symbole, parce que, justement, c'était quelque chose d'inimaginable de croire qu'un Canadien français, quelques décennies à peine après la Confédération, deviendrait le chef de ce pays-là, peuplé essentiellement d'anglophones et d'anglophones en grand nombre nés en Grande-Bretagne, et que ces gens-là votent pour un Canadien français. Et un Canadien français qui était, c'était pas par hasard, c'était quelqu'un d'un niveau de culture. Les gens étaient fiers de lui, donc un peu fiers d'eux-mêmes aussi. Et c'est un objet d'une grande fierté pour les Canadiens français de l'époque. Et concrètement, qu'est-ce qui lui permet de remporter cette victoire de 1896? Bien, c'est beaucoup l'usure du gouvernement conservateur. Les conservateurs sont au pouvoir, à part un intermède de 4 ans depuis la Confédération. John A. Macdonald est décédé. Les conservateurs ont une succession de chefs depuis ce temps-là. Il y a eu énormément de scandales, dont Macdonald a su se sortir plus ou moins, mais son décès et l'usure ont fait que, finalement, il est temps d'un changement. Et Laurier représente le Canada moderne, une espèce de nouveau nationalisme. Et il a évidemment des appuis extrêmement fort au Québec, qui lui permettent de l'emporter. Et il y a ce dossier qui commence avant, mais qui sera un des dossiers dans cette campagne électorale de 1896, le dossier des écoles catholiques françaises du Manitoba. Je vous propose d'écouter un extrait, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre la position qu'aura Laurier sur cette question-là. On écoute l'historien Robert Humilly à l'émission Au 20h, le 28 octobre 1977. Laurier se rendait bien compte de son immense popularité dans la province de Québec. Et il était sûr de cette province. Il fallait qu'il gagne les Anglais, qu'il gagne les populations anglaises, qu'il gagne ces éléments de l'Ouest, etc. Il voulait gagner, justement, les éléments fanatiques du Manitoba et les autres. Laurier était un homme très, très habile, l'homme des compromis, l'homme qui ne s'engageait jamais. Vous savez, c'était jamais ni oui ni non avec lui. Alors, il répondait aux évêques, vous savez, faites confiance au grand parti libéral, faites-moi confiance, les catholiques, les protestants, les anglais, les français, etc. Et Mgr Laflèche, que ça exaspérait, c'était tout à fait contraire à son caractère. Il disait, oui ou non, Monsieur Laurier, est-ce que vous allez nous donner les écoles catholiques et françaises? Mais Monseigneur, etc., Monseigneur, oui ou non, Monsieur Laurier? Il n'a jamais pu le tirer, naturellement, ni un oui ni un non. On a compris que Laurier, qui voulait gagner les voix anglaises ne donnerait pas de voix réparatrice. Les évêques ont publié, tous les évêques, ont publié un amendement signé même par l'un d'eux qui était un ami personnel et presque politique de Laurier, Mgr Aymard. Les évêques ont publié un amendement disant qu'il était interdit, que c'était péché en matière grave, que de voter pour un chef de parti et pour un parti qui refusait de s'engager à imposer au Manitoba les écoles catholiques et françaises. C'était la grande affaire des écoles du Manitoba. C'est la grande question que vous évoquez. Ça nous dit quoi, André Pratt, ce qu'on vient d'entendre sur la manière dont Laurier fait de la politique, puis sur le fond de ce dossier des droits des francophones du Manitoba? Qu'est-ce qu'il pense de ça, en fait? Bien, voilà un dossier où, justement, Laurier avait raison. C'est-à-dire que là, toute la question était de savoir est-ce que le gouvernement fédéral impose au Manitoba d'avoir des écoles catholiques séparées françaises, ou est-ce qu'il tente d'arriver à un compromis? Et Laurier disait, écoutez, même si on adopte une loi et on essaie d'imposer au Manitoba ces écoles, le Manitoba va refuser. Ouais. Et c'est une question provinciale. Alors, si j'essaie d'imposer ça au Manitoba, demain matin, on va me demander de faire la même chose pour le Québec. Est-ce que les Québécois seront d'accord? Est-ce que le fédéral impose des écoles anglaises ou protestantes? Ou est-ce que vous allez être d'accord qu'on impose des choses? Alors, il était pratique et il cherchait, et c'est là qu'il a inventé l'expression « Sunny Ways ». Bon, ça vient d'une fable d'Ésope, on ne racontera pas toute l'histoire, c'est-à-dire de dialoguer avec le premier ministre du Manitoba pour arriver à un compromis. Et il a obtenu un compromis en vertu duquel les jeunes, les élèves francophones auraient droit à un certain enseignement en français et à un certain enseignement de la religion catholique dans leurs écoles. Mais c'était loin d'être ce que les évêques voulaient, évidemment. Oui. Mais c'était un compromis préférable à ce qui aurait été la situation sur cette entente. De l'électoralisme. Il y avait surtout, et c'est ce qui va dicter toute la conduite de Laurier dans toute sa vie, il y avait surtout la nécessité absolue de préserver l'unité du pays. C'était sa préoccupation majeure. Évidemment, est-ce qu'il y avait de l'électoralisme? Il y en a toujours chez tout politicien. Mais sa grande préoccupation, c'était de préserver l'unité des deux peuples fondateurs. À ce moment-là, il n'était pas question des Autochtones, malheureusement. Il y avait de préserver cette unité-là. Et pour lui, la seule façon de le faire, c'était de permettre un dialogue entre les anglophones et les francophones et de permettre ces compromis. Et comme je le disais tantôt, il y a eu des moments où il s'est égaré et il a fait trop de compromis. Mais dans le cas des écoles du Manitoba, la solution radicale qui était d'imposer par une loi fédérale n'était pas la bonne solution. Il reste que c'est cette vision du pays, ce souci, cette volonté à tout prix de préserver cette unité nationale sera parfois, et les compromis sur lesquels ça va déboucher, ça donnera parfois lieu à des interprétations qui seront très sévères à l'endroit de Wilfrid Laurier. Sur la relation, par exemple, que Laurier aura par rapport au Royaume-Uni, il y a des exemple, la conférence de Londres en 1897, on a un Laurier qui tient tête à Londres, mais il y a, quelques années plus tard, une décision comme celle qu'il prendra la même année, de fait, sur cet appui du Canada à l'Angleterre dans la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il y a parfois apparence de contradiction. Je propose d'écouter Pierre Bourgault, qui fait partie de ceux qui jugent sévèrement certains des compromis de Laurier. Il en parle à l'émission « L'histoire comme ils l'ont faite » en 1967. Je pense que M. Laurier, surtout comme Premier ministre, je pense qu'on doit en parler surtout comme Premier ministre du Canada à l'époque, je pense qu'il a été, si vous voulez, un prédécesseur de cette sorte de gens qui ne sont plus Canadiens français que de nom, qui passent du côté anglais du Canada et qui servent de cette façon-là à tromper le milieu canadien français. Vous savez qu'au moment où Laurier était au pouvoir, il avait un prestige énorme au Canada français parce que c'était le premier Canadien français arrivé à un tel poste. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à l'élire systématiquement parce qu'il était Canadien français, alors que sa politique était tout à fait à l'encontre, presque toujours, des intérêts des Canadiens français. Il ne faut pas oublier, par exemple, toute la politique impérialiste de la Grande-Bretagne au début du siècle. En 1899, par exemple, la première guerre en Afrique du Sud, et c'est sous Laurier, par arrêté ministériel, sans même avoir consulté les chambres, qu'on décidait d'envoyer un régiment en Afrique du Sud. D'autres ont suivi par après. Et ça ne faisait pas du tout l'affaire des Canadiens français. On s'engageait à ce moment-là dans une politique d'impérialisme anglais. Et dès ce moment-là, vous avez eu des grands nationalistes canadiens, je dis bien canadiens, non pas québécois à l'époque, qui ont commencé à faire obstacle à cette politique-là. On sait qu'en Henri Bourassa, par exemple, s'est buté très violemment contre Wilfrid Laurier à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une politique impérialiste. On se collait beaucoup de beaucoup trop près à l'Angleterre. Et alors, il y a ce que Bourgaud dit dans cet extrait, André Pratt, et je suis curieux de vous entendre. Puis plus largement, il parle d'Henri Bourassa. Comment seront perçues les politiques de Laurier au Québec? Oui, bon, il y a... Ben, comment seront perçues avec deux beaux exemples, la question linguistique, la question de l'appui des Anglais en Afrique du Sud. Ben, comment seront perçues les politiques de Laurier? Il reste que, bien qu'effectivement les éléments nationalistes au Québec aient toujours eu énormément de réserves à l'égard de plusieurs de ces politiques-là, des compromis que Laurier a fait, notamment en ce qui a trait aux politiques impérialistes des Britanniques, il reste que Laurier aura toujours le soutien de la population québécoise francophone, tout le long, y compris lors de ses défaites électorales en 1911 et enfin jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Donc, il a toujours eu l'appui majoritaire des francophones. Et là où je suis plus difficilement M. Bourgaud, c'est quand il dit, dans le fond, qu'il a un peu leurré les francophones. Moi, je pense que les francophones du Québec sont plus intelligents, ils ne sont pas laissés leurrer. Ils ont appuyé Laurier parce qu'ils estimaient qu'en général, Laurier, malgré tout, servait leurs intérêts. Ouais. Mais Laurier, encore là, dans ces questions-là, cherchait des compromis. Oui. Alors, par exemple, dans la guerre des bourses, ce qu'il a fait, c'est que plutôt que d'enrôler des gens, il a dit, ben, parce qu'il y avait des pressions très fortes aussi du côté du Canada anglais, où les gens voulaient aller participer à la guerre des bourses. Alors, il a dit, ben, écoutez, s'il y a des volontaires, on va armer les volontaires et on va payer pour les envoyer là-bas. Mais évidemment, on n'enrôlera personne de force, mais s'il y a des volontaires, on va les envoyer. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu un régiment de volontaires, il les a envoyés. Mais Henri Bourassa considérait que c'était le premier pas vers une participation plus large aux politiques impérialistes. Il va perdre le pouvoir en 1911, Wilfrid Laurier. Il y aura probablement une dernière grande bataille pour lui, celle de la conscription. On y revient, au fond, l'engagement du Canada dans la Première Guerre mondiale en 1917. Que dire de cet épisode-là? Bien, c'est un épisode extrêmement douloureux pour Laurier parce qu'il n'est plus au pouvoir. Borden est au pouvoir. Borden crée un gouvernement d'union nationale avec des libéraux qui abandonnent Laurier parce qu'ils sont favorables à la conscription. Et Laurier est un peu désespéré. Son seul allié au Québec, c'est Henri Bourassa, donc son vieil ennemi qui revient avec lui pour se battre contre la conscription. Laurier fait des appels désespérés, dans le fond, au reste du Canada pour essayer de convaincre les Canadiens anglophones que la conscription n'est pas une solution. Ouais. Il est favorable à la participation du Canada à la guerre. Il fait des appels aux Canadiens français pour qu'ils s'enrôlent, mais il est contre l'enrôlement forcé, contre la conscription. Et il perd, c'est-à-dire qu'il garde ses appuis au Québec, aux élections, mais il est battu de façon massive en 1917 dans le reste du Canada. Sa politique est rejetée de façon massive. Donc, c'est un échec, c'est une fin de sa carrière politique assez tragique. André Pratt, sénateur à Ottawa, auteur, je le rappelle, de la biographie Laurier. Merci beaucoup, M. Pratt. Merci de l'invitation. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.